l'orgueil est à ta mode, ton sérieux tapera à ta porte. Cas de ODF, prod le son, c'est triste époque mon pote. On savait bien que certains moments seraient pour nous des instants difficiles. Un peu comme un patron en genre de crise qui calculerait son déficit. Il se moque et dire qu'hier t'étais plébiscité. Beaucoup alors se poquent, chacun pour sa gueule, pour sa publicité. À force tourner la page, on réalise des encyclopédies sans en trouver la panne, puisqu'atteint par la cyclothymie. Perso, moi j'ai plus aucun idéal sans fin. Je roule en ciel sans frein, une utopie, un monde sans fin. Comme un américain sans flingue ou un nazi, le plein sans dingue. L'important c'est d'avoir le sourire à travers le temps comme Mona Lisa. Ne pas sombrer dans le vice comme dans un coma bizarre. Comme ambiance, non, ça sent le souffre et l'arnaque à plein nez. Dis-moi en ce moment combien souffrent, combien sont en train de planer. Rêvant de quitter la misère comme un clochard devant une agence immobilière. Ça m'horripile, ça pousse à l'extrême. Siffle la Marseillaise, profite du système. En se disant si ça marche c'est yes. Y'a plus de bon plan, même les GPS sont faussés. Entre le bien et le mal, ne se rétrécir notre fossé. Les jeunes sont mal vus, Kaitis et ils se barrent. Qui traînent dans la rue, attendant un bis et ils se barrent. Changement d'époque, on se fout du prix de la baguette. Ayant pour référence celui des cloques ou de la plaquette. Triste époque, où les chelas sont remplacés les points. Où les protéines ont remplacé le pain, l'alcool, les pains. Tous les mecs faibles ont remplacé les mecs forts. Où les mecs faits traînent toujours la deux corps. De détresse, à croire que les prières tout le temps secours d'adresse, guidées par l'espoir, puis cramées par les éclairs. Si tout puissant pouvait répondre, il dirait qu'est-ce que je peux y faire. Les infos te la prennent, que d'autant l'horreur baigne. Hypocrisie mondaine, bien qu'émergence de peine, la monnaie reste souveraine sur cet échiquier. Beaucoup elle fait saigner, trop peu elle fait s'aimer. Période bien singulière qu'est cette nouvelle ère, où les promesses d'hier filent comme des courants d'air. De nos jours tous bernés par des problèmes sans matière, ils préfèrent plutôt parler d'air que de s'occuper de la misère.